Les belles rencontres. Aujourd'hui, nous vous présentons la conclusion de l'entretien qu'a eu Anne Bergeron avec Léger Robert, sculpteur de Dodgeball. Alors, quand tu es devenu, c'est ça, t'es un ébéniste, par la suite, la créativité est apparue comme sculpteur. C'est ça. Et ouais. Puis là aussi, avec le bois que tu as toujours dans ton atelier, mm-hmm. Tu dois faire beaucoup de récupération. De récupération. Qu'est-ce que tu fais avec la récupération? Est-ce que c'est des sculptures, des petites... Je vais faire des petites choses. Des petites choses? Je vais faire des petites... Comme je vous dis, je vais trouver un morceau de bois dans la forêt. Bon, je vais réaliser quelque chose avec. J'ai fait des urnes, des petites urnes funéraires. Ah oui! Ouais. Avec c'est beau. C'est bien. Un butard. Un butard? Un butard, c'est un peu un petit héron. Et puis, j'en fais un avec la tête en l'air. Mais je coupe le cou, je fais un trou dans le corps, puis on remet la tête dessus. Puis donc, il y a plusieurs personnes qui sont intéressées à ça. Comme pour avoir leur urne funéraire avant de... Ouais. C'est des inventions aussi. Ouais, mais ça, c'est sûr que là, tu fais un plan pour ces choses-là? Pas réellement, j'y vais encore avec le grain du bois. OK. Pour ceux-là, je vais en faire des petits, comme des boîtes, et je vais sculpter. J'en ai fait une avec une rose sculptée sur le dessus, ouais. sur le couvert. Et puis, c'est un autre style, c'est carré, mais... Donc, chaque création est unique. C'est ça, c'est unique, c'est ça. Ça, c'est pas fait en série. Non, c'est unique. Même que si je peux faire deux butards un côté de l'autre, ils ne peuvent pas être pareils. Ah, c'est toujours un projet comme ça qui est en marche. Ouais. Même si tu n'as pas de travail comme de quoi là, que tu voudrais le présenter, tu vas toujours avoir quelque chose. Je vais, comme je disais, j'ai toujours dans mon étau une pièce prête à travailler, débuter. Je vais me faire un hibou. S'il est là, je passe à côté, je vois souvent, OK, je vais faire telle chose, donc... Puis aussi, c'est aussi décoratif qu'utilitaire. C'est, voilà. C'est ça. Beaucoup de décoratifs, des horloges, utilitaire. C'est vrai, ouais. Des horloges des aussi. Des horloges avec des roses sculptées. C'est vrai. En fin de compte... Quand je disais qu'il n'y avait plus de secret pour toi, il n'y en a pas, parce qu'il y a aussi le côté positif. Comme tu disais tantôt, si tu l'imagines, on peut le réaliser. Puis ça s'applique aussi dans beaucoup de choses dans la vie. Oui. Donc, c'est un bel exemple, ça, de confiance qu'on peut se faire. Eh bien, on pourrait en parler encore plus. On pourrait en parler longtemps. Parce que tu as fait des choses pour toi aussi, qui représentent ta famille, qui c'est ta collection privée. Oui, j'ai mon père qui est dans son atelier. Mon père faisait des... son atelier, au-dessus de la porte, c'était écrit « porte et châssis ». Oui. Donc, il faisait des fenêtres. Okay. Et puis, sur la sculpture que j'ai faite, il est en action en faisant un châssis. Mais oui. Et puis ma mère, elle travaillait beaucoup le tissage, le tressage, le crochetage. Donc, je l'ai fait dans sa chambre de travail, elle aussi. Elle avait une chambre spécialement dans la maison où était son métier. Et puis, C'est un bel honneur que tu leur rends en même temps. Mm-hmm. C'est beau. Ça, c'est des pièces de collection. Ouais. Bien, on te remercie infiniment. Léger, est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter? Je pourrais en rajouter beaucoup, mais regardez. Y a-t-il une petite anecdote que tu peux nous fournir pour la fin? Une anecdote, j'ai produit une pièce pour un concours pour les métiers d'art, l'exposition des métiers d'art. Et j'ai fait dans un tronc de vinaigrier. Mais c'est un tronc qui est à peu près 9 pouces de diamètre. Un vinaigrier, c'est très rare à 9 pouces de diamètre. Et puis, je me suis procuré cette pièce-là d'un émondeur qui travaille pour la ville de Richmond. Puis il avait émondé, puis lui, il trouvait que c'était du beau grain, mais du vinaigrier, c'est tout, c'est croche. Et puis, le monsieur qui était supposé le scier pour lui, il voulait faire scier ça en planche. Il n'a pas voulu parce qu'il avait peur de briser son moulin ainsi. Donc, il ne savait pas quoi faire avec, mais il les a donnés. Ah oui! Ouais, je lui ai fait un canard, je pense, en vinaigrier, puis je lui ai envoyé, puis il était bien content. Je comprends, ouais. Oui. J'ai produit une sculpture qui... Le monde appelle ça un totem, moi. Oui, un totem, bon. Oui. Puis je l'ai produit pour un concours des métiers d'art. Mm-hmm. Mais c'est des choses qui arrivent comme ça, sans on s'en attendre. Je prends la pièce, je l'emmène. Je voulais faire au début une tête de lion, puis ça finit que j'ai fait une tête d'aigle. Puis, des choses qui étaient plus représentatives de notre pays. C'est notre des choses, quand on y va au fur et à mesure, il faut que ça vienne machinalement ou c'est pas... C'est spontané. C'est arrivé spontané. Au milieu, j'avais un gros nœud qui ressortait. Puis là, je savais pas quoi faire avec. Mais à un moment donné, on se réveille la nuit et on dit, je vais faire telle chose avec. Je vais faire une tête d'Indien au milieu, avec une tête de mouflon en haut. Puis ça a été une belle pièce. Je comprends. Je l'ai encore. Oui, c'est une très belle pièce, un totem comme ça qui a été fait d'une façon spontanée, puis toujours avec la communication du bois. Hein, vous communiquez ensemble, le bois et toi. Le vinaigrier, c'est un bois qui est terriblement... il donne beaucoup d'idées parce que son grain est prononcé, puis il y a beaucoup de couleurs dans le grain du bois. Est-ce que c'est un bois qui est considéré comme dur ou comme moyen ou mou? C'est moyen. On va dire que quand il est vert, il est plus mou. Okay. Mais on ne peut pas le travailler vert parce qu'à ce moment-là, quand ça sèche, ça craque. Donc, il faut le laisser sécher jusqu'à un certain point pour travailler dessus. OK. Il faut vraiment connaître le moment qu'il faut arrêter de la faire sécher. Eh bien, est-ce qu'il y a un nom de ton totem? Mon totem, non. Il n'y a pas de... Je me rappelle plus c'est quoi. C'est écrit sur un papier, une carte qu'il y a avec. Là. Ouais, c'est ça. Ça fait un certain temps que j'ai fait ça. Ça va faire 3-4 ans aussi. Donc, je me rappelle pas exactement. Là. Mais c'est ça. Hein, quand on fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de pièces, des fois... On se rappelle pas toujours exactement. Puis il faut toujours donner des noms. Ouais. on n'a comme pas le choix. Ouais. Depuis 3-4 ans, je travaille avec des pièces de lilas. Ah oui, des lilas. Mais c'est tout petit pourtant, les branches. Oui, c'est petit un lilas, mais le cœur du lilas est fuchsia, la couleur, c'est comme fuchsia ou violet. Et puis, des fois, je peux faire des pendentifs. Des petites choses, oui. Puis c'est fait de belles couleurs en même temps. Oui, j'ai fait un tableau avec... Ton tableau... Oui. Ça aussi, c'est c'était beaucoup. La forme qu'il y avait, ça faisait penser à un fœtus qui était dans le ventre de sa mère. Donc, j'ai fait un tableau qui produisait ça. C'est très, très, très beau. Mm. C'est très délicat. C'est pour ça que quand je disais qu'il y avait... Tu avais un doigté plein de beauté, mais avec plein d'émotivité aussi. Parce qu'il y a beaucoup de sensibilité dans tes sujets. Mm-hmm. Fait que c'est pas juste des canards, il y a vraiment autre chose, beaucoup, beaucoup de sensibilité que tu peux arriver à mettre à faire. C'est ça. Mais je te remercie, Légy. Merci énormément. Avec plaisir. Pour nous avoir permis de voir tes multiples facettes de sculpteur, d'ébéniste, de restaurateur. Tes créations sont comme des fables sculptées. Merci beaucoup. Merci.